Rodrigue, qu'as-tu fait? Où viens-tu, misérable? Suivre le triste cours de mon sort déplorable. D'où te vient cette audace et ce nouvel orgueil de paraître en des lieux que tu remplis de deuil? Toi viens-tu jusqu'ici braver l'ombre du comte? Ne l'as-tu pas tué? Sa vie était ma honte. Mon honneur de ma main a voulu cet effort. Mais chercher ton asile dans la maison du mort. Jamais un meurtrier en fit-il son refuge. Et je n'y viens aussi que m'offrir à mon juge. Ne me regarde plus d'un visage étonné. Je cherche le trépas après l'avoir donné. Mon juge est mon amour. Mon juge est ma chimène. Je mérite la mort de mériter sa haine. Et j'en viens recevoir comme un bien souverain et l'arrêt de sa bouche et le coup de sa main. Fuis plutôt de ses yeux. Fuis de sa violence. À ses premiers transports des robes, ta présence. Va, ne t'expose point au premier mouvement que pousserait l'ardeur de ses ressentiments. Non, non, ce cher objet à qui j'ai pu déplaire ne peut pour mon supplice avoir trop de colère. Et j'évite 100 morts qui me vont accabler si pour mourir plus tôt je puis la redoubler. Chimène est au palais, de pleurs toute baignée, et ne reviendra point que bien accompagnée. Rodrigue, fuis de grâce, ôte-moi de soucis. Que ne dirait-on point si l'on te voit ici? Veux-tu qu'un médisant, pour comble à sa misère, l'accuse d'y souffrir l'assassin de son père? Elle va revenir!